بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الامام الحافظ عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف المجلس الثاني اي من مجالس شهر ذي القعدة أو ذي الحجة بلتو. قال المجلس الثاني في فضل يوم عرفة مع عيد النحر. في هذا المجلس إلى ستة دو point important ما يتعلق بيوم عرفة le jour de عرفة عيد النحر le jour du sacrifice. قال وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال أي آية عمر بن الخطاب رضي الله عنه il a rapporté que un juif il lui a demandé ou plutôt il lui a dit que un verset qui a été révélé sur le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, aïe du Coran, s'il aurait été descendu sur eux, révélé à leur communauté, enfin ils auraient pris ce jour où que ce verset il a été révélé, un jour de Eid, une fête. Enfin Omar radiallahu anhu قال أي آية, quel verset قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة نعم الحديث إلى في الصحيحين كما تقدم donc ce verset الله سبحانه وتعالى il l'a révélé في ذلك اليوم العظيم le jour de Arafah. Et cette année, quand le prophète alayhi salatu salam il a fait al-Hajj, Arafah s'était tombé le vendredi. Qala rahimahullah, lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, kana lahum yawman yal'abuna feehima. Fa qala inna Allah qad abdalakum yawmayn khayran minhuma, yawm al-Fitr wa al-Adha. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine, les gens de Médine, ils avaient certains jours où ils faisaient la fête. يومان يلعبون فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم il les a informés أن الله عز وجل قد أبدلهم يومين. أي il a remplacé ces jours par deux jours. خيرا منهم. Qui sont meilleurs que ces jours. يوم الفطر والأضحى. أي les deux عيد de la communauté walillahi alhamd yawm alfitr le premier jour de shawwal après ramadan wa al-adha le dixième jour de dhulhijja donc ces deux points qu'on va étudier ensemble fi hadha al-majlis donc arafa et eid al-nahr qala rahimahullah fa abdala Allah hadhihi al-umma bi yawmi al-la'b wa lahu yawmi al-dhikr wa ash-shukr wa al-maghfira wa al-'afw فتأمل أن الله سبحانه وتعالى il aura remplacé ces deux jours dans lesquels il s'amusait, il jouait, il prenait du bon temps, il l'aura remplacé par ces deux jours. عيد الفطر وعيد الأضحى. يومي الذكر والشكر. C'est des jours de dhikr. C'est pour ça que c'est مشروع de faire beaucoup de dhikr le jour du عيد والشكر. Être reconnaissant. Être reconnaissant par rapport à ces ni'am. عيد الفطر par rapport à cette ni'ma أي du mois de Ramadan le jeûne القيام la nuit التراويح وهكذا هكذا ما يتعلق به من قراءة القرآن etc et يوم النحر et on précise هنا مع هذا c'est مشروع aux muslims de prendre du bon temps pendant هذه الأعياد bien sûr أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل قال ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد عيد يتكرر كل أسبوع وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة المؤمن إلى 3 عيد un عيد qui vient toutes les semaines c'est le vendredi Et deux Eid qui viennent une fois par an, Al-Adha et Al-Fitr. قال وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة من غير تكرر في السنة. فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. Et هذا c'est واضح. قال وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة فأحدهما عيد الفطر. أما les deux عيد qui sont qu'une fois par an, فالو بخمي سعيد الفطر أي أبخي رمضان لبخمي جور دو شوال. قال وهو مرتب على إكمال صيام رمضان أي سي لعيد كي لجيفيري جوست أبخي لجون جموة دو رمضان وهو الركن الثالث من أركان الإسلام وممانية أي رمضان سي لتخوزيام بلي دو الإسلام. بعضهم قد يقولون الركن الرابع, الأول الشهادتين, الثانية الصلاة, الثالث الزكاة, الرابع صوم رمضان. على كل حال سي ان بيليه parmi les piliers de l'islam. ثم قال والعيد الثاني لو دوزيام عيد اي سي نوتر سوجي عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما. دونك عيد النحر عيد الأضحى اي pendant الحج le 10e jour de Dhul-Hijja, فهذا العيد اللي أفضل il est meilleur que عيد الفطر. قال وهو مترتب على إكمال الحج كذلك un pilier de l'islam وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. نعم donc هذا العيد اللي لي أحج عيد الفطر اللي لي رمضان الصوم رمضان. قال وإنما يكمل الحج بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة فإن ركن الحج الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. سيأتي معنا ما يتعلق بعرفة. قال ويوم عرفة هو يوم العتق من النار أي يوم عظيم يوم عرفة. حتى العلماء كما تقدم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى اختلفوا est-ce que le meilleur jour de l'année c'est Arafa ou c'est Al-Eid? Eid ou Al-Adha, Yom Al-Nahar. Est-ce que c'est le 9e jour de Dhul-Hijja ou le 10e? Et bien, il y en a ces deux jours, ils ont des fada'il azim. Yom Arafa, c'est Yom Al-Itq min al-Nar. Beaucoup de gens, ils sont sauvés du feu ce jour. قال فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. هذا سنمونتخ أن لفضائل دو عرفة c'est pas que pour ceux qui font le Hajj. La chèque, on a celui qui fait le hajj, il est concerné en premier lieu. Il est dans cet endroit azim, à Arafa, et il est en état d'ihram, etc. Mais même celui qui ne fait pas le hajj, il est concerné par certains de ses fada'il, et de ses bienfaits, de ses mérites. قال فلذلك صار اليوم الذي يلي عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم. الأمصار c'est les contrées, les régions. فلذلك صار اليوم الذي يلي عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم. نعم أما العيد لا شك أن ça concerne tous les croyants où qu'ils soient. قال من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عبادهم. هذا كما قال هنا سي رحمة من الله عز وجل. Alors, on n'est pas tous concernés par le Hajj tous les ans, ay, niveau obligation. Les malades, ça aurait été très difficile de faire le Hajj tous les ans. Même à notre époque où beaucoup de choses sont facilitées, les moyens de transport, il a créé, c'est très très compliqué. Falihada min rahmatillahi azza wa jal, anna le Hajj c'est obligatoire une fois, fil umr, une fois dans la vie. قال فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام. Donc c'est une obligation une fois dans la vie, pas une fois dans l'année. ولله الحمد. قال فأهل الموسم يرمون الجمرة فيشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج ويقضون نفثهم ويوفون نذورهم ويقربون قرابينهم من الهدايا. Tout ça c'est le 10e jour de Dhul-Hijja. وهنا on détaillera pas المسائل الفقهية du حج. Ça prendrait trop de temps. Et on a déjà fait des dorous, walillahi alhamd, sur manasik al-hajj wal-umra, et on avait détaillé ma yata'allaq bi hadha al-yawm. c'est le jour où il y a beaucoup de a'mal à faire. At-tawaf et as-sa'i wa an-nahr wa al-halq et d'autres ibadat. Rami al-jamra, enfin, tout ça, c'est le dixième jour. قال ثم يطوفون بالبيت العتيق وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له ثم قال ثم ينسكون عقيب ذلك نسكهم أي للسكريفيس ويقربون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم لله عز وجل هذه العبادة العظيمة الله سبحانه وتعالى شرعها في هذا اليوم pour celui qui fait le hajj c'est Al-Hadi, et pour celui qui ne fait pas le Hajj, c'est l'Udhiya. Dans tous les cas, Al-Mu'min, c'est Mashru' et Al-Sahih, c'est que ce n'est pas une obligation pour autre que celui qui fait Al-Hajj, Al-Udhiya. Al-Sahih, c'est que c'est une Sunnah. Lakin, la yambari tarkuha. Celui qui a les moyens, celui qui a la capacité, c'est Sunnah al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, فيكون ذلك شكرا منهم لهذه النعم تأمل هذا المقصد العظيم أن هذه الأضحية c'est pas une coutume on le fait parce que tout le monde fait أبدا c'est من باب الشكر c'est une عبادة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى pour celui qui fait الحج الله سبحانه وتعالى lui a facilité beaucoup de choses وهكذا pour celui qui ne fait pas الحج الله سبحانه وتعالى lui a donné beaucoup de choses فمن باب شكر الله عز وجل c'est de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ فَيَكُونَ ذَلِكَ شُكْرًا مِنْهُمْ لِهَذِهِ النِّعْمِ فَكَمْ مِنْ نِعْمِ Combien de ni'am? Si tu prends que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, فَكَمْ مِنْ ni'am فِيهَا Pour celui qui fait le hajj, beaucoup de ni'am. Al-Wukuf fi Arafah, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, فِيهَا فَضَائِلْ كَثِيرَ Al-Tawaf, Al-Sa'i, le fait de boire de l'eau de Zamzam, le fait de faire Al-Du'a, يَوْمَ Arafah, il est mustajab. كَمْ مِنْ ni'am? Et celui qui ne fait pas le hajj كذلك. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est le moment où al-a'mal, c'est les œuvres les plus aimées d'Allah, azza wa jal. Enfin, tout ça, c'est min al-ni'am al-'azima, c'est des bienfaits énormes. Enfin, min bab al-shukr, anna al-muslim, à la fin de ces 10 jours, il sacrifie une bête lillah, subhanahu wa ta'ala. قال والصلاه والنحر الذي يجتمع في عيد النحر افضل من الصلاه والصدقه الذي في عيد الفطر c'est une des causes pourquoi les ulama يقولون ان عيد الاضحى le jour du sacrifice il est meilleur que عيد الفطر لان في عيد الاضحى tu as ces deux ibadat qui sont ensemble الصلاه والنحر اي صلاه العيد et après le sacrifice اما في عيد الفطر فسي الصدقه اي زكاه الفطر ثم الصلاه Et là, chacun a sacrifié une bête, c'est afdal que zakat al-fitr. قال ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. نعم, فصلي لربك وانحر. Ça, ça nous montre, في هذه الآية, plusieurs فوائد, ومنها أن الله سبحانه وتعالى قدم الصلاة على النحر. Al-Nahr, c'est le sacrifice, sacrifier une bête. Al-Muslim, awwalan fi salat, salatul Eid. Thumma, ba'da dhalik, yushra' lah al-Nahr, ay le sacrifice. Wa qila lahu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Aya. Thumma qala rahimahullah, laysa al-Eid liman labasa al-jadid. وإنما العيد لمن طاعته تزيد في هذا الكتاب رحمة الله عليه الحافظ ابن رجب يسدي أحكام نافعة بغبغ مواد لاني إدي فوائد طيبة كذلك دي نصائح مواعظ جميلة جدا souvent des rappels هنا il a cité ce rappel رحمة الله عليه sur العيد c'est quoi العيد c'est pas une coutume كما تقدم C'est pas quelque chose qu'on fait, ça fait partie du folklore, ça fait partie des traditions de tel pays. Là, c'est min dinina, ça fait partie de notre religion. C'est pour ça que même celui qui n'a pas les mêmes traditions que nous, ou qui n'a pas grandi dans un pays à la base musulman, il ne connaissait pas ces choses, enfin, s'il rentre avec l'islam, enfin, c'est son Eid, kadhalik, et il doit participer, kadhalik. Enfin, ce Eid, c'est par rapport à l'iman, par rapport à la foi. فلهذا قال ليس العيد لمن لبس الجديد. العيد c'est pas que porter des vêtements neufs ou des beaux vêtements. قال إنما العيد لمن طاعته تزيد. العيد, le vrai عيد, le véritable عيد, c'est celui dont l'obéissance elle augmente. Et il a fait des efforts les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et كذلك dans ce jour, il donne de l'importance à Salat al-Eid, il donne de l'importance à l'Udhiya, encore plus s'il a les moyens, كذلك al-Dhikr, taqaddam ma'ana, al-Adhkar après les salawat obligatoires, كذلك al-Dhikr al-Mutlaq durant les 10 premiers jours et jusqu'à le dernier jour de Tashriq, tout ça, lillahi azza wa jal. Enfin, ce jour, ouais, il a, dans son cœur, il a cette reconnaissance. C'est ça le véritable Eid. Malheureusement, c'est devenu une tradition. Et ça pousse à des méfaits énormes. Le jour du Eid, ils ne font pas salat. Hatta salat l'Eid, ils ne la font pas. Et pardon, ils ne font pas salat du tout. Thumma, ce Eid, c'est comme si c'était une belle pour certains. C'est devenu des coutumes. Anahu, il doit rendre visite à ses parents, il doit faire telle chose. Et, fi haqqillahi azza wa jal, robama, il fait aucune adoration. La dhikr, wa la salat, wa la udhiya, wa la shay min dhalik. Ça montre quoi? Ça montre que cette ibadah chez certains, c'est devenu une coutume. Il faut aller voir les parents, il faut faire telle chose, il faut acheter des vêtements neufs aux enfants, et ça s'arrête là. Là, notre Eid, awwalan, c'est une ibadah. Et, alhamdulillah, c'est mashrou' de se faire plaisir, de prendre du bon temps, d'acheter des vêtements, de la nourriture, bien sûr. Lakin, tout ça fondé sur din, pas sur des coutumes. Et on oublie les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب انما العيد لمن غفرت له الذنوب. C'est ça le véritable عيد. Ah, le fait de porter des beaux vêtements, d'avoir une belle monture, etc. Et si c'est pas fondé sur la sincérité, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses principes, et que ce عيد ça fait partie de notre din, فهذا ça lui sera pas de grande utilité. فلهذا قال انما العيد لمن غفرت له الذنوب. العيد c'est celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés. Et avec ces 10 jours. Mathalan, dans ces 10 jours, il y a le jour de Arafah. Celui qui jeûne Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés de l'année passée, de l'année à venir. C'est ça le véritable Eid. Il fait l'Eid, il a fait ses efforts et il espère cette récompense et qu'Allah lui pardonne. Tout ça, l'Illah. On répète, bien sûr, avec d'autres choses qui sont permises le jour du Eid. قال في ليلة العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على العبيد فمن ناله منها شيء فله عيد وإلا فهو مطرود بعيد. نعم, ces jours, en Allah subhanahu wa ta'ala, il a franchi beaucoup de monde, من النار, il pardonna beaucoup de monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève beaucoup de personnes في هذه الأيام, et avec les invocations, avec le dhikr. Celui qui fait partie de هؤلاء, فالحمدلله, il a vraiment participé au عيد, et le عيد, il a été très très profitable pour lui. أما كما تقدم معنا des coutumes, حتى بعضهم, vous avez remarqué, ils appellent هذا العيد, حتى بعض الكفرة, ils appellent ce عيد la fête du mouton, comme si ce عيد c'était une fête pour le mouton. C'est pas la fête du mouton, là c'est عيد الأضحى. Il y a une énorme différence. أولاً, c'est pas forcément un mouton que le musulman doit sacrifier. Et ثانياً, العيد كما تقدم من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله, c'est une عبادة لله. Même ce sacrifice qu'on fait, c'est pas une fête du mouton, là c'est une fête, ce sacrifice qu'on fait, cette bête pour Allah Azza wa Jal. Amma hakada, la fête du mouton, et ça devient كما تقدم معنا, ça fait partie des traditions et des coutumes. فالله المستعان. فلهذا قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تأمل ce verset. المراد من الآية, c'est que Al-Maqsoud, c'est pas la viande et que le sang y coule. C'est pas que ça. Là, Al-Maqsoud, c'est quoi? C'est At-Taqwa. Walakin yanaluhu At-Taqwa minkum. Aïe, la crainte. Aïe, cette viande et cet écoulement de sang, ce sacrifice, cette bête qui est sacrifiée, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est هذه التقوى. فهذا العيد, c'est une عبادة عظيمة. Et on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala في هذا العيد. Et on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala في هذا العيد. Et le but, c'est هذا, sacrifier لله عز وجل وحده. ثم قال رحمه الله ولما كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما. Donc, عيد النحر c'est أكبر العيد. C'est le عيد qui a le plus de valeur. Et plus que عيد الفطر. ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم. شرف المكان أي هذا c'est pour ceux qui font الحج. شرف المكان أي ils sont في حرم الله عز وجل. في مكة pour الحج. والزمان et ça c'est le temps. أي ce temps que Allah subhanahu wa ta'ala اختاره وبارك فيه. Et les 10 jours de Dhul-Hijjah. Et bien sûr la période du Hajj, du 8e jusqu'à la fin de Ayyam al-Tashriq. قال كانت لهم فيه معه أعياد قبله وبعده. فقبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق. وكل هذه الأيام أعياد لأهل الموسم. Pour أهل الموسم, ceux qui vont au Hajj, هذه الأيام كذلك c'est des أعياد. أي c'est des fêtes. يوم عرفة. Et bien sûr, Yom al-Nahr, le jour du Eid, le jour du sacrifice. Et كذلك, les trois jours de Tashriq. Ça fait cinq jours. وكل هذه الأيام أعياد لأهل الموسم كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. فلهذا بعض العلماء quand ils citent الأعياد, ils en citent cinq. Les deux connus الأضحى الفطر يوم الجمعة وكذلك الست أيام التشريق نعم يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق صافي الصين بعض العلماء كذلك يزوجت عيد الأسبوع أي الجمعة قال خرجه أهل السنن وصححه الترمذي هذا الحديث نعم إلى صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي أي لدن صحيح المسند للإمام الوادعي عليهم رحمة الله قال ولهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم يوم عرفة وستأتي هذه المسألة أي ما يتعلق بالصيام كساس هو عرفة العيد لا شك كسي با بيرمي وهكذا أيام التشريق ونظر إس كسي بيرمي إن شاء الله ثم قال رحمه الله فيوم عرفة له فضائل متعددة ثم إلى ستي لميغت du jour de Arafah. فقال رحمه الله منها أي parmi les mérites de Arafah. Arafah on répète le 9e jour de Dhul-Hijjah. Le Hajj ça commence le 8. Les musulmans ils se dirigent vers Mina et le 9 ils vont à Arafah. Et le 10 c'est le jour du Eid avec at-tawaf, as-sa'i, rami al-jamra etc. ثم le 11, le 12, le 13 ils vont à Mina. Et ils dorment à Mina. Et la journée, ils lancent les petits cailloux fi al-jamarat. Enfin, le 9e jour, يوم عرفة له فضائل كثيرة. قال منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. هذا تقدم معنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Ce verset est descendu le jour de عرفة. قال ومنها أنه عيد لأهل الإسلام. كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس. رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث on vient de le lire ensemble. حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنهم. قال ويشهد له حديث عقبة بن عامر المتقدم لكنه عيد لأهل الموقف خاصة ويشرع صيامه لأهل الأمصار عند جمهور العلماء. أما pour أهل الموقف فساعيد عيد. ceux qui sont à Mecca ou Hajj, ils font le Hajj plutôt. pour eux c'est عيد. أما pour ceux qui ne font pas le Hajj, فيشرع فيه الصيام. C'est légiféré de faire الصيام عند جمهور العلماء. وإن خالف فيه بعض السلف. هذا سنمونت أن la grande majorité des savants يقولون أنه le صيام il est légiféré le jour de عرفة. Et certains salafs قالوا أنه c'est pas légiféré. Et بعض العلماء قالوا لعلهم ما بلغهم الحديث. وإلا فالحديث il est clair. لعل هؤلاء من أئمة السلف ceux qui ont dit que ce n'était pas légiféré, peut-être qu'ils n'ont pas eu connaissance du hadith. Wa illa fal hadith, l'imam muslim, rahimahullah, il l'a rapporté dans Sahih, an Abi Qatada, radiyallahu an, an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, su'ila an sawm yawmi arafa, faqala sallallahu alayhi wa sallam, yukaffiru sana al-madhiya wal-baqiya. Donc, ils ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, an siyam yawmi arafa, le fait de jeûner le jour de arafa, et il a répondu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, yukaffir. Et c'est une cause pour qu'Allah pardonne les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Wa Cheikh Al-Bassam rahmatullah alayhi fi tawdih al-ahkam sharh bulugh al-maram qala as-sawm yawm 'arafa huwa afdal siyamat at-tatawwu' bi ijma' al-ulama. C'est le meilleur jour de jeûne, bien sûr les jours recommandés, c'est le jour de Arafa. Donc le meilleur jour de jeûne après Siyam Ramadan, c'est ce jour, Ayyom Arafa bi ijma' ahl al-ilm. Aïe, tous ceux qui disent que c'est autorisé, tous ceux qui disent que c'est légiféré de faire Siyam, ben, tous ceux-là, ijma'uhum annahu, c'est le meilleur jeûne recommandé. Donc, fadlun azim, mais c'est qu'un jour. Al-haqiqa, celui qui ne jeûne pas, même c'est pas une obligation. Et personne ne dit que c'est obligatoire. Et on ne peut pas dire aux gens que c'est obligatoire. Et on n'a pas besoin de faire l'erreur que certains ignorants y font. Ils montrent aux autres comme si c'était une obligation. Ah ben, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Lakin, on doit montrer aux autres al-khayr. T'as un jour. Très très simple pour la grande majorité des musulmans, wallahi alhamd, de jeûner un jour. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne aux croyants ses péchés passés et à venir. Aïe, de l'année passée, de l'année à venir. 2 ans. Comme mine de nous. Bien sûr, Bardal ulama, il précise que c'est les petits péchés, amma al-kaba'ir, falabud min tawbah. Lakin, fadlullah subhanahu wa ta'ala, il est wasi'. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ghafurun rahim. Fal-insan, il fait ce jour, et il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne bien sûr ses petits péchés, les grands péchés, et il fait tawbah. Enfin, celui qui fait ce jour, il jeûne, et il y a tout. Il se repent Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Fa fadlun azim. Allah subhanahu wa ta'ala hadha al-yawm ja'ala fihi al-baraka. On doit s'encourager à hadha. Et كذلك un tanbih anna ba'd an-nas kama taqaddam ma'ana, la remarque d'hier, annahum vu qu'ils se basent sur le calendrier grégorien, calendrier des Nasara, et ils ont délaissé le calendrier des musulmans, et ba'd an-nas ils sont fi ghafla, surtout cette période. Certains musulmans ils sont en vacances ou autres, ils sont fait chez min al-ghafla et Obama ils oublient. Fallait à l'endroit, on doit se conseiller. Amma ces dernières années, wallahi alhamd, avec internet, les réseaux, il a akhiré, ça se propage beaucoup plus qu'avant. Fallait hada kathirun min al-muslimin wallahi alhamd yasumun. Et c'est une ni'ma azima. Thumma qala rahimahullah wa minha, ay parmi les mérites de Arafa, annahu ruya annahu afdalu al-ayyam. خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة وذهب إلى ذلك طائفة من العلماء. العلماء donc اختلفوا. Ils ont divergé sur cette مسألة. أي est-ce que Arafa c'est le meilleur jour de l'année؟ بعض العلماء قالوا كما قال ابن رجب رحمه الله ومنهم من قال يوم النحر أفضل الأيام لحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه أفضل الأيام. Donc on a deux hadiths. Le premier أفضل الأيام يوم عرفة هذا فيه ضعف. Ce hadith il est faible. Cheikh Al-Albani رحمه الله وغيره ils l'ont ضعف. Le deuxième hadith أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر هذا الحديث il est صحيح. Cheikh Al-Albani l'a sahih fi sahih Abi Dawud. Donc, as-sahih, c'est que Yawm al-Nahr, c'est afdal al-ayyam. Le dixième jour de Dhul-Hijja, c'est le meilleur jour de l'année. Qala Cheikh al-Islam le Taymiyyah, rahimahullah, ou su'ila plutôt, hadha al-kalam, il n'est pas dans le livre, c'est une fa'ida, la'allana min al-fatawa, fa su'ila al-imam le Taymiyyah, rahimahullah, an afdal al-ayyam. Ils lui ont posé cette question. Quel est le meilleur jour? فأجاب رحمه الله الحمد لله أفضل الأيام أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء. Le meilleur jour de la semaine c'est le vendredi. Et هذا bien sûr selon l'unanimité des savants. وأفضل أيام العام هو يوم النحر. Et le meilleur jour de l'année c'est le dixième jour de Dhul-Hijjah. أي يوم النحر, le jour de عيد الأضحى. وقد قال بعضهم يوم عرفة والأول هو الصحيح. Certains savants ils ont dit c'est عرفة. D'autres, ils ont dit, c'est le 10. Et Al-Ladhi Yadhar, c'est l'avis le plus juste, c'est que c'est le jour du Eid, le 10e jour de Dhul-Hijjah. Pourquoi ? قال رحمه الله لأنام لأن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. Donc, le hadith, il est واضح. أفضل الأيام. Le meilleur des jours عند الله, c'est يوم النحر. قال لأنه يوم الحج الأكبر. Pourquoi? Parce que c'est le jour de الحج الأكبر. C'est quoi الحج الأكبر؟ قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره. Pourquoi? Parce que c'est le jour de الحج الأكبر. Dans ce jour, il y a beaucoup d'adoration que celui qui fait le Hajj, il doit faire. Et كذلك celui qui ne fait pas le Hajj, salat al-Eid wa al-Udhiya. Et bien sûr, l'adhkar et l'adhu'a. قال ما لا يعمل في غيره كالوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة. Donc, tous ces أعمال, c'est le 10 de Dhul-Hijja, le jour du Eid, pour celui qui fait le Hajj. Donc, il doit sacrifier, il doit se raser les cheveux, il doit faire at-tawaf. Wa hakadha al-halq, on l'a cité, et kadhalik, ramy jamrat al-aqaba. Ce jour-là, il doit jeter les pierres, jamrat al-aqaba faqat. Amma les trois jamrat, c'est fi ayyam al-tashriq. Donc, c'est ça, al-sahih fi hadhihi al-mas'ala. Anna afdal al-ayyam, c'est yawm al-nahr, et après yawm a'arafa. قال ومنها أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول من أراد ما أراد هؤلاء. الحديث في صحيح مسلم فيه فضائل عظيمة. يوم عرفة أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il affranchit, sauve le plus de عباد de l'enfer. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يدنو ويباهم بهم الملائكة. أي dit aux anges ما أراد هؤلاء. Qu'est-ce qu'ils ont voulu هؤلاء. Ils sont venus de toutes parts, de toutes les régions. Et ils sont en état d'ihram. Et la chèque, pendant ce jour, ils sont fatigués, ils se sont déplacés, ils sont fait hal al-musafir. Ils sont considérés comme voyageurs et ils sont pas chez eux. C'est quoi qui a fait que tous ces gens ils se sont déplacés? Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bi ha'ula al-mu'minin al-mala'ika. Fahadihi ba'd fada'il yawm arafa. On peut ajouter قوله ومنها الاكثار من شهاده التوحيد وباخلاص الاكثار من شهاده التوحيد باخلاص وصدق فانها اصل دين الاسلام الذي اكمله الله تعالى في ذلك اليوم واساسه في هذا اليوم فيشرع الاكثار من هذه الشهاده العظيمه اي لجود عرفه من السنه سي دو فير سو ذكر بوكو دو فوا. قال الحافظ ولفظه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خرجه الطبراني من حديث علي وابن عمر مرفوعا أيضا. نعم الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. دونك خير الدعاء دعاء يوم عرفة. Le meilleur dua, c'est le dua qui est fait le jour de Arafah. Là, ça nous montre كذلك l'importance et le mérite de ce jour. Et parmi les meilleurs adhkar dans ce jour, c'est de dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, belle tous les prophètes, خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّون مِنْ قَبْلِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes qui l'ont précédé avant, il disait, لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. ثم قال رحمه الله ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه كما تقدم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة. Le meilleur دعاء, les meilleures invocations, c'est celle du jour de عرفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء. أن le meilleur jour pour faire الدعاء c'est le jour de Arafah. Et le meilleur jour على الإطلاق c'est le jour du عيد. قال فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الأذكار وفي الذكر والدعاء وقراءة القرآن وأن يدعو بأنواع الأدعية. المسلم doit profiter de ce jour. C'est un jour azim. C'est un jour azim et c'est une fois dans l'année. Et تقدمت معنا هذه الفضائل العظيمة. فأنتوا بايت في غفلة. بعض المسلمين tellement qu'ils sont occupés في هذا اليوم وفي غيره. Et encore plus cette période quand ça tombe l'été. فربما لا يذكرون الله. On dit même pas قليلا بعضهم لا يذكرون الله. Ils sont في غفلة. À cause de الدنيا. نحن doit faire attention. On étudie et on a pris le temps de résumer ce genre de livre, c'est pour qu'on mette en application. قال ويأتي بأنواع الأذكار ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر لمن أحسن إليه وجميع المسلمين. كذلك تفي الدعاء pour toi, pour tes parents, pour tes enfants, pour tes proches, pour tes مشايخ, les gens chez qui tu étudies, كذلك pour tous les musulmans. قال وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه. أي هنا نبه une deuxième fois التحذير. أي faites attention, doit tous faire attention من التقصير. من التقصير أي d'avoir des manquements dans ce jour. أي في الذكر والدعاء. لماذا؟ لأن قال لأن هذا اليوم لا يمكن إدراكه. لا يمكن أو plutôt تداركه. أي tu peux pas le rattraper. Si ce jour il est passé, khalas. Tu dois attendre l'année prochaine. Mais le jour de Arafat de cette année, il est passé. Et al-insan kam lahu min dhunub. Combien de péchés on a fait? Combien de manquements? Kam? Falihada, hadhihi al-furas. Ces occasions, kama taqadna ma'ana ams, on doit leur donner de l'importance. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq. Hatta dans notre dua. Que ça soit avant ou le jour même, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas wa tawfiq, qui nous facilite, et bien sûr la sincérité, qui nous facilite de pouvoir faire du'a. Il y en a ceux qui sont tombés firafla dans l'insouciance, il y a des causes, pourquoi ils ont oublié? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il ne les a pas guidés pour qu'ils puissent faire des efforts dans ce jour? Il y a des causes. Alors, on doit faire des causes maintenant pour faire partie de ceux qui font des efforts. On doit demander. On doit demander et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا لكل خير. العلماء اختلفوا. On peut citer cette مسألة هنا. أن العلماء اختلفوا. Est-ce que هذا الاجتهاد في الذكر والدعاء c'est que pour الحجاج ou c'est pour tout le monde? بعض العلماء قالوا c'est que pour الحجاج. لماذا؟ لأن الأدلة فيها أن c'est في عرفة. إلى آخر الأدلة qu'on a vu. C'est pour ceux qui sont à عرفة. C'est lié à عرفة. العرفة c'est pour ceux qui font le hajj, ay al-wuquf, on parle de al-wuquf. Wa illa même ceux qui ne font pas le hajj, ils sont monde ce jour parce que c'est Arafah. Lakin ba'd al-ulama qalu anna al-dhikr wa al-du'a c'est pour ceux qui font le hajj. Lakin alladhi yadhhar c'est que c'est pour ceux qui font le hajj bien sûr en premier lieu et كذلك pour tous les musulmans. Comme قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Lakin la shak anna celui qui fait le hajj il est beaucoup plus concerné. لماذا؟ لأنه il est Arafah et كذلك il est en état d'ihram et bien sûr Arafah c'est un des piliers du Hajj, al-Hajj Arafah comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن شاء الله تعالى أن ça englobe tous les croyants. Et à la كل حال المؤمن il fait des efforts et يدعو الله سبحانه وتعالى et فضل الله واسع. ثم قال à la fin de ce premier point concernant عرفة يوم العيد قال رحمه الله يا من يطمع في العتق من النار ثم يمنع نفسه الرحمة بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار. هذه الفضائل c'est exactement la même conclusion qu'hier. أن هذه الفضائل العظيمة que ça soit le sacrifice, que ça soit les adorations concernant الحج, celui qui fait الحج أو كذلك عرفة, que ça soit le jeûne, que ça soit هذا الدعاء, celui qui espère la récompense et celui qui espère l'itq min an-nar, il doit faire attention au péché. Qala ya man yatma. At-tama c'est هنا le fait d'espérer, de fortement espérer l'itq min an-nar, qu'Allah nous sauve de l'enfer. Thumma yamna' nafsuhu ar-rahma bil israr 'ala kaba'ir al-ithm wal-awdar. Lakin le fait de ne pas délaisser les péchés, encore plus les grands péchés, fa hada c'est une cause pour que l'insan il ne profite pas de هذه الفضائل. قالت الله ما نصحت نفسك ولا وقف في طريقك غيرك. أي في هذا الحال الإنسان يستفيد من كلبه. قال توبق نفسك بالمعاصي فإذا حرمت المغفرة فأنت فقلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا سنتبه جميل. On doit pas remettre toujours la faute sur les autres. مثلا هذه المسألة celui qui fait pas d'effort c'est lui le seul responsable. فلهذا قال الله ما نصحت نفسك. C'est pour ça qu'on doit faire attention de ne pas regarder que عيوب العيوب des autres. أنا un tel مثلا il a pas fait telle chose, un tel il a pas jeûné Arafa, un tel il a pas fait. Regarde نفسك. Les autres montre-leur. بين بالتي هي أحسن avec un bon comportement et montre-leur الحق. Et on n'exagère pas, si c'est une sunna, c'est pas obligatoire. On montre et celui qui fait pas cette adoration recommandée, enfin, il a le droit, ce n'est pas une obligation. Si c'est une obligation, enfin, on lui montre la gravité de la délaisser. Lakin, ahyan, on fait une erreur, c'est qu'on s'oublie. فلهذا قال هنا الله ما نصحت نفسك ولا وقف في طريق غيرك. Personne ne t'a retiré ce bien, إلا أنت. Et c'est toi le responsable. توبق نفسك بالمعاصي. أي تتفي دو مال à toi-même avec les péchés. فوالله أن سكي نو في دو مال à chacun de nous, c'est pas les autres. أحيانا à cause de nos faiblesses, on essaie de chercher des excuses. أنا c'est un tel il a dit, c'est un tel il a fait. Tout ce qui nous arrive, ça vient de nous. Même si quelqu'un te fait du mal, Allah subhanahu wa ta'ala sallatahu alayka, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve avec cet injuste à cause de certains péchés. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي toutes les épreuves qui vous touchent c'est à cause de ce que vous faites avec vos mains. فليه هذا on doit apprendre à هذا. أي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى et on ne cherche pas des responsables autres que nous. Là celui qui prend cette habitude de se remettre en question lui et de ne pas chercher des excuses comme ils font certains les pauvres. Toujours c'est la faute des autres. Leurs enfants ça se passe mal c'est la faute des autres. Ils ont perdu leur travail, c'est la faute d'un tel. Ils n'ont pas réussi à faire telle chose, c'est la faute d'un tel. Haoula, ils ont du mal à avancer. Les malades, mais ils ne se remettent pas en question. Ils ne traitent pas le problème comme il faut. On doit s'habituer. Allez, c'est une nasiha très très importante de se remettre en question. Hatta, par rapport au din, par rapport au ilm, personne ne pourra t'enlever cette science que Allah t'a donnée. Personne ne pourra t'enlever cette foi. Même les kuffars, ils ne peuvent rien te faire. مجرد أذى une critique هكذا ça te blesse quelque temps et après alhamdulillah ça passe. Mais ce qui nous fait du mal c'est nos péchés, rien d'autre. لماذا لأن celui qui s'écarte des péchés Allah subhanahu wa ta'ala il le préserve des ennemis que ce soit des kuffars ou autres et كذلك il le préserve des jaloux, il le préserve du mauvais œil, il le préserve de beaucoup de choses. قال رحمه الله قل هو من عند أنفسكم فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. وما إلى الستة هذا البيت الجميل ومتكمدا فليس لك اعتذار. Tu n'as pas d'excuses. Ne cherche pas des excuses auprès de c'est un tel qui m'a dit, c'est un tel qui a fait. On n'a pas besoin de هذا. هذا c'est شأن الأولاد. Ça en général c'est la situation des enfants. Les enfants ils sont هكذا. Et c'est normal, c'est des enfants. Ils ne savent pas. Il a appelé. Souvent, ils remettent la faute sur les autres. Mais en tant qu'adulte, on doit prendre nos responsabilités. On doit faire des efforts. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال المؤمن لا يلدر من جحر مرتين. Et le croyant ne se fait pas mordre, se piquer deux fois au même endroit. Parce qu'on a fait une erreur, après on se remet en question. On n'a pas besoin de se reposer sur certaines choses qui n'ont aucun fondement. ثم قال إن كنت تطمع في العتق فاشتري نفسك من الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte tes œuvres, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te préserve de l'enfer, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'accorde le paradis, applique ce verset. Vends ton corps et ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala اشترى. اشترى ça veut dire acheter. من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. Hey, ton corps, ton cœur, ton âme et tes biens, c'est pour Allah. Si tu fais ce commerce qui est le plus profitable, comme on a dit dans une kalima, فإنشاءالله تعالى تفرغ partie de هؤلاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نستفيد من هذا أن tous ces mérites, tous ces bienfaits, il faut faire des sacrifices, يا جماعة. On doit faire attention كذلك الأماني الباطلة et le fait de se reposer sur certaines choses et ne pas faire d'efforts. فضل الله واسع. On doit espérer. لكن كذلك on doit faire des efforts لأن on ne sait pas est-ce que nos œuvres seront acceptées am la. Mais celui qui fait des efforts et qui est véridique et qui est sincère, فبإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il acceptera de lui لأن الله كريم. قال من كرمت عليه نفسه عان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. صحيح. من كرمت عليه نفسه هان عليه. هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. Celui qui a ce genre de principe, il sait ce qu'il veut. Il sait que le prix, c'est lui-même et ce qu'il possède. La marchandise, c'est quoi? C'est Al-Jannah. La marchandise, c'est Al-Jannah. Donc, le commerce, tu fais ce commerce avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ishtara min al-mu'minin. Ce que tu vas vendre, c'est toi-même et ce que tu possèdes. Allah, subhanahu wa ta'ala, la yukhlifu al-mi'ad. Il a promis une chose, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le fera. Et la récompense, elle est énorme, c'est le Jannah. Celui qui a ce principe, فهانت عليه نفسه. Il fait beaucoup d'efforts. Il sait ce qu'il veut. Pour Ad-Dunya, ils veulent acheter une chose, ils font beaucoup de sacrifices. Ils veulent cette chose. L'essentiel, c'est d'avoir cet objet. Ils vont faire des sacrifices. Ils attendent des heures. Ils voyagent. Ils dépensent beaucoup. Ils travaillent très dur. Celui dont l'objectif, c'est Al-Jannah, il travaillera très très dur. Anti rahmati. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Al-Jannah rahmatuh. Et c'est sa miséricorde. Azza wa jal. Thumma qala man arafa ma yatlubu hana alayhi kullu ma yabdul. Hada alladhi taqaddam. Man arafa, celui qui sait ce qu'il recherche, fa hana alayhi kullu ma yabdul. Ay, ton objectif c'est quoi? C'est Al-Jannah. C'est le paradis. Donc tout ce que tu vas donner pour ce paradis, alhamdulillah, ça sera بطيبه نفس, ça sera de bon cœur. Et tu espéreras, maintenant, donner pour Allah, sacrifier pour Allah, faire des efforts pour Allah, ça sera beaucoup plus simple. Mais celui qui n'a pas ses principes, ses objectifs, ça devient une corvée. Wallahi anna ba'd an-nas wa nas'alullah al-afiya wa al-thabat. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. Ba'd an-nas, ils n'arrivent pas à jeûner un jour. Limana li'annahum, ils sont loin, ils sont firafla, ils sont insouciants, ils ont oublié la récompense. Anna, ce jour, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de l'enfer. Man sama yawman fi sabilillah ba'da Allah wajhu min an-nar 70 kharija. Ce jour, si c'est Arafa, ça une cause pour qu'Allah pardonne tes péchés de l'année passée, de l'année à venir. Fata'ammal, celui qui a cet objectif. La chakana, un jour, c'est rien. Un jour, c'est très très court. Un jour et Allah il pardonne deux années de péchés. Falhamdulillah. Mais celui qui n'a pas hada, il pense qu'à la soif. Il pense, mais je devais faire telle chose, je suis en vacances, je pourrais pas aller au restaurant. Ça devient très très dur. L'imam d'Al-Yanaoui compare ce jour à des choses que son âme, elle veut tout de suite. Mais si on l'inverse, et on pense à ce que notre âme, elle pourra, et notre corps pourra acquérir dans l'au-delà, hadith dunya, ça sera beaucoup plus simple. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq, was-sadat, et on finit avec le deuxième majlis qui est très très court. On le résume. قال المجلس الثالث في أيام التشريق. ثم رحمه الله il a conclu ce dernier chapitre avant la conclusion et le dernier mois de Dhul Hijjah avec أيام التشريق. قال خرج مسلم في صحيحه من حديث نبيشة. نعم من حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. Ayyam Mina, ay ayyam al-tashriq. Ay, les trois jours après Al-Aïd. Le 11, le 12 et le 13. Qala, ayyam Mina, hiya al-ayyam al-ma'doudat. Allati qala Allahu azza wa jal fiha, wadhkuru Allah fi ayyam al-ma'doudat. Tadhkuroun, ams on a vu al-ayyam al-ma'loumat. Ay, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Wahuna al-ayyam al-ma'doudat. Ay, les trois jours de tashriq. قال وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق. هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء. بعض العلماء اختلفوا. Certains ont dit c'est que tel jour, que tel jour. الصواب c'est que c'est que c'est هذه الأيام وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق. ثم قال رحمه الله وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة. هذا تقدم معنا أمس أن الذكر إلي مطلق مقيد dans cette période أي les dix premiers jours de Dhul-Hijjah et هكذا jusqu'à le dernier jour de التشريق. Cette مسألة on l'a vu أمس. قال منها ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها. هذا on l'a vu أمس. Ça c'est من الذكر المقيد أي pendant ces jours أيام التشريق المؤمن يشرع له de faire le takbir après التسليم après avoir fini الصلاة. قال ومنها ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق وهذا يختص به أهل الموسم. Ça c'est réservé à ceux qui font le hajj. أي le fait de dire الله أكبر quand ils jettent les cailloux في الجمرات. وهذا والله الحمد on l'a vu en détail dans les dourous sur le hajj. قال ومنها ذكر الله تعالى المطلق فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق. نعم ذكر المطلق كذلك سانغلوب لي دي برومي جور دو ذو الحجة. أي ذكر المطلق أي à tout moment. C'est pas spécifié après الصلاة ou après الوضوء. لا à tout moment. À la maison au masjid إلى آخره. قال رحمه الله فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر وبذلك تتم النعمة. هذه الأيام أيام التشريق كما قال رحمه الله المؤمن يبخفيت نعم برابور à son corps, à l'abdan. Et il mange et il boit. En général, les croyants, والله الحمد, ils profitent de la viande de الأضحية. والله الحمد, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أيام أكل وشرب. Et كذلك نعيم قلوبهم et كذلك des bienfaits du cœur avec الذكر. Les deux, les bienfaits du corps avec la nourriture et la boisson et les bienfaits du cœur avec le ذكر. قال وكلما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى. Et vu que هذا الذكر c'est pour être reconnaissant, c'est une reconnaissance de tout, pour toutes ces ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, le fait de faire ce ذكر c'est une ni'ma. Et ce ذكر c'est une ni'ma, donc il faut être encore reconnaissant. Et cette deuxième reconnaissance كذلك c'est une ni'ma, ça impliquera une troisième reconnaissance. وهكذا المؤمن il doit être reconnaissant حتى يلقى الله. À chaque fois qu'Allah donne une ni'ma, tu dois être reconnaissant. Cette reconnaissance, c'est un bienfait. فلهذا قال, il a rapporté la parole du poète, إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. Et si ma reconnaissance, c'est une ni'ma, cette ni'ma, je dois être encore reconnaissant. قال فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. Et le poète, il a dit, comment faire si à chaque fois, chaque ni'ma, on doit être reconnaissant? Même si tu vis longtemps, à chaque fois, tu devras être reconnaissant. Hey, jusqu'à ce que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'insan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, min fadlih. Thumma qala, wa fi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, innaha ayyam aklin wa shurbin, وذكر الله عز وجل إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته. هذا سنتم به جميل. Vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité la nourriture. إنها أي les trois jours de تشريق, les trois derniers jours du Hajj. إنها أيام أكل والشرب. C'est des jours pour profiter de la nourriture, de la boisson. Et à la fin قال وذكر الله عز وجل. الحافظ قال رحمه الله إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به أي manger et boire. Ce n'est pas que pour manger et boire. لا كذلك المؤمن cette nourriture et cette boisson ça doit l'aider, ça doit le pousser à faire encore plus de ذكر et à être reconnaissant. قال وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى في القرآن dans plusieurs versets يأمر بالأكل من الطيبات والشكر. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أتأمل قال كلوا من طيبات ما رزقناكم أي مانجي من الطيبات des choses pures que Allah سبحانه وتعالى vous a donné واشكروا لله et soyez reconnaissants envers Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Si vous êtes des croyants, vous adorez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, enfin vous devez être reconnaissant. Enfin, on ne doit pas oublier ça. Toutes ces ni'am le jour du Eid. Hatta al-ba'd tellement qu'ils sont fi'raf là, ils mangent le jour du Eid, ils disent même pas bismillah. À la fin, ils disent même pas alhamdulillah. Hada c'est un naqs kabir. C'est un énorme manquement hada. Enfin, on ne doit pas oublier ces principes de base en tant que croyant. ثم قال رحمه الله وإنما نهي عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر فلا تصام بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء. نعم تقدم معنا حديث عقبة أن هذه الأيام من أعياد المسلمين c'est une fête, ça suit le jour de النحر. Donc ce n'est pas permis de jeûner. قال هنا عند جمهور العلماء. Et la plupart des savants, ils sont d'avis qu'il n'est pas permis de jeûner durant ces jours. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الحديث اللي في صحيح مسلم وتقدم معنا هذا الحديث أو سحدي. Donc أيام التشريق c'est des jours pour manger, boire et faire du dhikr. Donc manger, boire, ça montre qu'il ne faut pas faire le siyam. كذلك عمر ابن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنهما قال هذه الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. أي النبي صلى الله عليه وسلم il leur interdisait de faire un siyam et il leur montrait que c'est des jours pour manger, boire, etc. الحديث أو الأثر رواه الإمام أبو داود الشيخ مقبل رحمه الله إلى الصحاح دون الجامع الصحيح. Donc هذا c'est الصحيح. إنما نهي عن صيام أيام التشريق. Donc الصحيح c'est que c'est pas permis de jeûner durant ces jours. Le 11, le 12 et le 13. ثم إلى cité une autre مسألة. قال فأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر أو صيامها بمنى للتمتع إذا لم يجد الهدي ففيه اختلاف مشهور بين العلماء. نعم on a une base, c'est que ce n'est pas permis. Donc même celui qui a un jour à rattraper, هذا il le rattrape pas durant ces jours, il attend. لأن الحمد لله الأمر واسع. Celui qui a des jours à rattraper de Ramadan, مثلا il a manqué 3 jours pendant Ramadan, il a de ce Ramadan jusqu'à le Ramadan prochain un an pour rattraper 3 jours. Pourquoi choisir أيام التشريق خاصة المسألة فيها هذا الخلاف. Et le قول الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بتو عمر رضي الله عنه il a informé que النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم il leur interdisait de jeûner. Donc هذا c'est clair. بقي une مسألة où le خلاف il est قوي. لماذا لأننا on a un autre دليل. قوله عز وجل فالصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم. Ça c'est pour المتمتع. المتمتع c'est celui qui fait العمرة ثم il n'a plus l'ihram ثم il remet l'ihram pour le hajj. Ce que la plupart des musulmans الان ils font hajj at-tamattu. Fa al-mutamatti' s'il n'a pas de bête et d'alam yajid al-hadi, il n'a pas trouvé de bête de quoi sacrifier une bête, fa hada il doit jeûner. Il doit jeûner 3 jours fil hajj. Ta'ammalou si tu ne trouves pas une bête yawm an-nahr, fa les jours ils commencent أيام التشريق. فبعض العلماء قالوا les 3 jours du Hajj c'est après le Nahr, après le jour du sacrifice. Donc ils jeûnent les 3 jours de Tashriq en se basant sur هذه الآية. فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فتوا ces deux preuves. فالعلماء اختلفوا. Certains ils ont fait passer le hadith avant أنه ce n'est pas permis. D'autres ils ont fait passer le verset avant أنه c'est permis dans ce cas. Celui qui jeûne fait al-hajj parce qu'il n'a pas trouvé al-hadi, fa alhamdulillah. Et c'est qawl Abdullah ibn Umar et Aisha radiyallahu anhum anna c'est permis de jeûner ayyam at-tashriq pour mutamatti' qui n'avait pas de bête à sacrifier al-hadi. Et كذلك l'imam Malik rahimahullah il a choisi ce qawl et beaucoup de savants. نعم ثم قال ونهو عن صيامها لان الكريم لا يليق به أن يجيع أضيافه. فلهذا قالوا العلة الحكمة. Pourquoi ce n'est pas permis de jeûner أيام التشريق. لماذا لأن الحجاج c'est ضيوف الرحمن. Les invités d'Allah سبحانه وتعالى. Et الضيف, ce n'est pas bien de le laisser sans manger et boire. فَلِهَذَا, pour ceux qui font الحج, ce n'est pas permis. Et كذلك, ceux qui ne font pas الحج. C'est général, هذا. قَالَ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ قَدْ فَرَغَ عَمَلُكُمُ الَّذِي عَمِلْتُمُوهُ فَمَا بَقِيَ لَكُمْ إِلَّا الرَّاحَةَ. C'est pour ça que ça englobe ceux qui font الحج et autres. أي هذه الأعمال, le jeûne et le jour de عرفة, ثم le jour du عيد, le sacrifice إلى آخره. Enfin, ces jours, c'est des jours de repos. أيام أكل وشرب وذكر. C'est pour ça que même celui qui fait le hajj, il le ressent. Le 8, il doit se déplacer à Mina. Le 9, il a plusieurs amals. Parmi ces amals, il doit aller à Arafat, il reste à Arafat. Ça prend beaucoup de force. Le 10, encore plus. ثم le 11, le 12, le 13, والله الحمد, celui qui fait le hajj, il se repose à Mina. Bien sûr, il y a le jamarat et il doit faire du zikr. Lakin, والله الحمد, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup moins fatigant. ثم قال فما بقي لكم إلا الراحة فهذه الراحة بذلك التعب كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا ثم il a conclu, et on termine avec هذا, il a conclu avec هذا المثال العظيم. Il a donné l'exemple de الصيام. الصيام pendant 30 jours, le musulman fait beaucoup de sacrifices. Il ne mange pas la journée, ne boit pas la journée. Et la nuit, il essaye de faire des efforts, khas, certains les 10 derniers jours, pour veiller en salat. Thumma, le jour du Eid, il profite. Ayyam, akl, wa shurb, walillahi alhamd, sans négliger, bien sûr, les obligations et le dhikr. Ahakada, pour celui qui fait le hajj. Annahu, il a plusieurs étapes. Thumma, yawm al-nahr, thumma, walillahi alhamd, le repos. Ayyam al-tashriq, il mange, il boit, il a akhir. Ahakada, celui qui ne fait pas le hajj. Si tu compares ces étapes à ta vie, c'est exactement la même chose. فلهذا قال فإن الدنيا كلها أيام سفر كأيام الحج. Ce bas monde, cette vie que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, et c'est un test, c'est une épreuve, c'est comme ce voyage quand tu vas au hajj. Toute ta vie, c'est des étapes. Tu es en voyage. قال فإن الدنيا كلها أيام سفر كأيام الحج. وهي زمان إحرام المؤمن عما حرم الله عليه من الشهوات. Comme المحرم, celui qui fait le hajj, quand il se met en état de ihram, il n'a pas le droit de faire certaines choses. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il a akhri. فهكذا المؤمن في الدنيا, c'est comme s'il était en ihram. Jusqu'à ce que tu meurs. Aïe, tu dois t'écarter des muharramat. فلهذا قال فمن صبر في مدة سفره على إحرامه وكف عن الهوى فإذا انتهى سفر عمره وصل إلى من المنى. Comme الحجاج se repose après, ولله الحمد, d'avoir accompli les piliers du hajj, les obligations du hajj, ثم il se repose à Mina. هكذا après Ramadan, on se repose deux jours du عيد. هكذا المؤمن, si patient في هذه الدنيا, il se reposera après la mort dans sa tombe. Thumma fil jannah, après yawm al-qiyamah, et dans l'au-delà, éternellement au paradis. Qala fa idha intaha safaru umrihi wa wasala ila min al-muna faqad qada nafathahu wa waffa nadhrah fa sarat ayyamuhu kulluha ayyam mina. Tous ces jours, sahih, tu le ressens hada fil hajj, après ses efforts, il a akhira, après fi mina, tu ressens ce repos. Hakada après Ramadan, tu ressens, khassatan pour ceux qui font l'i'tikaf. Ceux qui font l'i'tikaf les dix derniers jours, donc ils jeûnent la journée et ils sortent pas du masjid, et la nuit, s'ils sont dans un masjid ou qu'ils veillent longtemps en salat, ils vont veiller kadalik, le jour du Eid, tu ressens du repos. Hakada après ce bas monde. قال أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. هكذا في الجنة. المؤمن جاء في الحديث أن تنفسه سيدي ذكر سبحان الله quand il respire. هكذا il profitera de la nourriture et de la poisson. هكذا la vie du مؤمن au paradis. Donc c'est comparable à ce qu'il se passe après الحج. قال وصار في ضيافة الله عز وجل في جواره أبد الآباد. Comme الحجاج, c'est ضيوف الرحمن في الدنيا, ceux qui font الحج, c'est les invités d'Allah سبحانه وتعالى, jusqu'à ce qu'il termine al-hajj. Fahakada, les croyants, c'est les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala fi dar karamati, dans la demeure de l'éternité. Qala wa li hadha yuqal li ahli al-janna kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliyah. aille manger et buvez. Vous avez vu exactement comme pour l'Eid fi dunya. Fil janna, manger et buvez. Pourquoi? Aille tout ce que vous avez subi, tous les sacrifices que vous avez faits, toutes ces choses dont vous avez patienté, al-an reposez-vous. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Fa bihadha intahayna du dernier mois, le mois de Dhul-Hijjah, avec hadhihi al-majalis sur al-ashr, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, thumma Arafa, thumma le jour du Eid, thumma ayyam al-tashriq walillahi alhamd. On répète amma les détails sur al-hajj, c'est dans les kutub de fiqh. Et walillahi alhamd, on a étudié avec certains frères ma yata'allaq bi manasik al-hajj wa al-umra. Baqi ya un cours qu'on essaiera de faire demain bi'idhnillahi azza wa jalla afin de terminer ce livre. Là, le but, c'est de résumer le livre du début à la fin. On a résumé walillahi alhamd en plusieurs passages profitables bi'idhnillah. Et demain, on lira les derniers points. Les derniers points après avoir fini les 12 mois de l'année, rahimahullah, il les a pas tous cités, la plupart des mois. Après avoir fini les mois de l'année, il a cité les saisons. Et il a cité que 3 saisons. Al-Rabi' wa al-Sayf wa al-Shita. Le printemps, l'été et al-Shita, l'hiver. À la kulli hal, on fera les 3 saisons qu'il a citées, rahimahullah. Thumma, il a cité le dernier bab sur At-Tawba. Majlis fi dhikr At-Tawba wa al-Hath 'alayha qabla al-Maut. Et vu que chacun de nous, on traverse ces étapes. Ce livre, tu étudies les étapes de ta vie. Notre vie, c'est faite de quoi? C'est faite de mois. Les mois, c'est les années. Les années, c'est notre vie. Après avoir cité les mois, thumma, en résumé, les saisons, des choses qui sont liées aux saisons, il a cité le dernier chapitre, At-Tawba, le fait de se repentir avant de quitter ce bas monde. Enfin, on essaiera de faire cela ensemble demain, inshallah ta'ala, à la même heure. On espère pouvoir finir le résumé de ce livre et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.